Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémouzo, radio locale. Enfin, maintenant, avec Internet, c'est plus vraiment local. Et puis, radio libre. Libre. Alors ça, libre, c'est pas le tout de dire, il faut le prouver. Alors, il y a eu quand même, pendant 42 ans, on a essayé de prouver qu'on était libre. On a essayé. Bon, pas toujours, hein, oui. Bon. Alors, le programme de ce soir, calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, il y aura l'histoire des migrations, les Visigoths, les Burgondes, les Vandales, hein, à 418, hein, une quinzaine de siècles. Et puis depuis, ça s'est pas toujours arrangé partout, hein, et durablement en tout cas. Antoine Léaumont de la France Insoumise, réforme des retraites à l'Assemblée. Ensuite, Clément Viktorovitch, pourquoi le salon de l'agriculture est si souvent cité? Point de suspension, c'est de la com. Musique, Jean-Luc Mélenchon, retraite, sécheresse et la noyade des macronistes, retraite. Au pluriel, sécheresse au singulier et la noyade des macronistes. Et puis Mathilde Panot nous parlera d'un discours sur le débat femmes et retraites à l'Assemblée nationale. Hein? Les retraites, le sentiment désagréable d'être pris pour des imbéciles. Et puis Jules Fété, le monde me rend mélancolique, alors je joue du piano. Pourquoi les roses de la Saint-Martin sont un cadeau empoisonné? Et puis une revue de presse. Voilà. Vous qui habitez, qui vous sì, che cos'è amor? Donne, vedete, se io lo nel cor. Donne, vedete, se io lo nel cor. Donne, vedete, se io lo nel cor. Calendrier des esclavages de libération, que s'est-il passé le 13 mars? Eh bien, le 13 mars, c'est Euphrasie, vierge en Thébaïde au 5e siècle, Judith, religieuse allemande du 11e siècle. Elle porte le nom d'une héroïne de la Bible qui a libéré son peuple en séduisant, alors une héroïne de la Bible, qui a libéré son peuple en séduisant, puis en décapitant le général oppresseur, en décapitant le général oppresseur. Oui, dans ce temps-là, on était cruel quand même, hein. Ah oui, on était sévère avec les gouvernants. si les choses revenaient comme ça revenaient maintenant, hein. Eh oui, les continuateurs de Louis XVI, ils risqueraient gros peut-être. 1848, Allemagne. Manifestation à Berlin. Des ouvriers demandent un ministère des travailleurs. En 1848, hein, pas 2023. 1848, Autriche. Dans Vienne, lieu de réjouissance pour les grands, la révolution éclate. Metternich prend la fuite. Pour la première fois, paysans, ouvriers et bourgeois libéraux s'unissent. S'unissent contre l'arbitraire. Un embryon de syndicalisme va naître, mais il disparaîtra avec l'écrasement de la révolution en octobre. 1848, Pologne. La révolution éclate à Varsovie. Oh, c'était un peu partout alors. 1871, France. À Paris, les fédérés de la Commune s'organisent. Ah, en France aussi. Un comité central qui réunit 215 bataillons sur 270 et comprend 4 délégués par arrondissement est élu. 1891, France. À Revin, le patron réunit une dizaine de délégués. Il accepte de reprendre les grévistes, sauf ceux qu'il a déjà remplacés, et d'augmenter les salaires. Une demi-victoire pour les ouvriers. France, 1891, hein, souvenons-nous. 1891 aussi, Mexique, le grand congrès ouvrier de la République du Mexique dénonce les injustices dont sont victimes les travailleurs et les exhorte à se former en suivant des cours du soir. 1909, France. Une grève des agents des PTT commence à Paris et s'étend à la province. Elle reprendra le 17 mai et aboutira à la révocation de 800 agents. 1946, USA. Fin d'une grève de 113 jours chez General Motors et General Electric. 113 jours de grève aux USA. En 1946, vous rendez compte. 1954, Vietnam, début de la bataille de Dien Bien Phu. Le piège tendu au Viet Minh par les troupes françaises va se retourner contre elles. Les troupes françaises, elles. 1963, France, marche sur Paris des mineurs de fer lorrains pour défendre le bassin ferrifère. 2500 mineurs, 500 voitures à 60 km à l'heure, à intervalle de 20 mètres, forme une colonne de 10 km, précédée par la banderole, convoi exceptionnel, mine de fer. 1975, Canada. Le commissaire enquêteur ordonne à la compagnie Woolworth de réintégrer tous les salariés. 1975, Portugal. Le Conseil de la Révolution décrète la nationalisation des 7 groupes bancaires les plus importants du pays. Dans les épisodes précédents, on a vu l'Empire d'Occident se ratatiner comme un abricot sec. Rassurez-vous, on est au fond du trou, ce qui signifie qu'on ne peut pas tomber plus bas. Les Visigoths sont en train de ravager le sud de la Gaule après avoir fait pareil en Italie. Il faut dire que c'est la quatrième fois qu'on les prend pour des imbéciles. L'empereur Honorius ne sait plus par quel bout les prendre. Ce sont les Burgondes qui vont lui montrer la voie. Ils sont en train de pacifier les bords du Rhin, ravis d'avoir un royaume bien à eux. C'est ça la solution, et tant pis si ça fait mal aux popotins. Honorius décide d'offrir aux Visigoths les bords de la Garonne qu'ils viennent de ravager, mais à une condition. Avant ça, ils doivent l'aider à reconquérir l'Espagne. Alors vous allez peut-être les trouver un peu naïfs, mais les Visigoths y croient. Et voilà qu'ils poursuivent leur périple jusqu'en Espagne, cette fois aux côtés des Romains. Quand on combat main dans la main, ça va tout de suite beaucoup mieux. Même les Alains sont remis à leur place. Ils s'égayent comme une volée de moineaux et beaucoup viennent trouver refuge chez les Vandales. Ceux-ci organisent la résistance aux côtés des Suèves, mais les Visigoths décident que ça suffit comme ça. Et comme Honorius n'a pas vraiment les moyens de leur tenir tête, il accepte de signer le papier qui leur donne les rives de la Garonne en guise de territoire. Cette année 418 est à marquer d'une pierre blanche. Elle voit la naissance du royaume Visigoth qui deviendra bientôt le plus puissant des royaumes germaniques. La ville de Toulouse devient leur capitale et la région peut voir à nouveau la vie en rose grâce à la protection des Visigoths. Maintenant, c'est sûr, les Germains sont l'avenir de Rome. La longue marche des Visigoths est terminée. Imaginez un peu ce qu'ils ont vécu. Prenons un gosse né en 366. Il a passé son enfance dans les plaines de Roumanie, jusqu'à ce que l'irruption des Huns bouleverse son quotidien. Il a 10 ans quand ses parents l'emmènent se réfugier dans l'Empire romain au sud du Danube. Il en a 30 quand il participe au pillage d'Athènes, avant de s'installer dans les recoins austères de la Serbie. Il a 44 ans au moment de participer au sac de Rome, et à ce moment-là, c'est déjà presque un vieillard. Il accompagne péniblement ses enfants jusqu'en Gaule, puis en Espagne, avant de s'installer à Toulouse à l'âge de 52 ans pour y mourir en paix. Telle est la destinée d'un Visigoth de cette époque. Après ces années folles, profitons-en pour souffler un peu et prendre du recul. L'Occident est culbuté de partout alors que l'Orient rayonne d'une santé nouvelle. La scission des deux empires lui a fait un bien fou. L'or d'Anatolie et le blé d'Égypte ne viennent plus alimenter les territoires occidentaux à la manière d'une perfusion sanguine. L'Orient s'est détaché de son boulet qui coule à pic. Il peut même reporter son attention contre son meilleur ennemi, l'Empire perse. Un sacré morceau. Le prétexte est maintenant tout trouvé, la religion. Pour un monothéiste, rien n'est pire qu'un autre monothéiste qui ne croit pas dans le bon Dieu. En l'occurrence, la religion des Perses est le zoroastrisme, qui vénère Ahura Mazda à la place de Jésus, représenté par une flamme au lieu d'un cadavre sur une croix. Sacrilège ! L'Orient est déjà devenu le défenseur suprême de la chrétienté qui justifie tous les djihads. Il a déjà quelque chose de byzantin en lui. Il faudrait quand même pas trop qu'il épuise ses forces contre les Perses, parce que les Huns sont toujours là, et ils s'apprêtent à réattaquer en force. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Thank you. Salut tout le monde, c'est Antoine, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale et je vais faire un point sur la réforme des retraites parce que vous avez entendu tout et son contraire sur cette réforme des retraites et je voudrais faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. On est une semaine après le débat, on a maintenant eu le temps que les choses retombent et je voulais vous donner mon point de vue sur cette réforme des retraites, ce que j'en ai retenu, ce que j'en ai vu et ce que ça présage pour la suite. Voilà ce dont on va parler dans cette vidéo et on commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Dans les jours qui viennent de s'écouler, avait lieu l'examen de la réforme de la retraite, donc qui consiste à faire passer à 64 ans l'âge de départ en retraite, l'âge légal de départ en retraite, et d'accélérer les fameuses 43 annuités pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Alors, on a étudié ce texte à l'Assemblée nationale et l'examen du texte a permis de voir plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est à quel point les ministres, les macronistes d'une manière générale, en fait, ne connaissent pas leur propre réforme ou n'ont à peu près rien à dire sur le sujet. L'un des sujets centraux sur lesquels on a réussi à les accrocher, c'était la question des 1200 euros. Alors, vous l'avez peut-être entendu dire, ils nous ont bassiné les oreilles avec ça, mais ils nous avaient dit que désormais, il n'y aurait pas de retraite en dessous de 1200 euros pour une carrière complète. Alors déjà, ça a été à peu près rapide. C'était 1200 euros brut et pas net, donc ça veut dire pas vraiment 1200 euros. Et puis ensuite, petit à petit, on a commencé à découvrir que ces fameux 1200 euros ne concernaient pas tout le monde. Je l'ai dit, c'est pour les carrières complètes. C'est des cas assez rares, en fait, des situations où il n'y a pas des carrières hachées. Et puis, petit à petit, on a réussi à obtenir des infos sur le nombre réel de personnes qui sont concernées par cette réforme des retraites. À la fin des fins, le ministre, après nous avoir dit en réalité au début que ça concernait 2 millions de personnes, on est arrivé à un chiffre qui était plutôt autour de 40 000. Et même ce chiffre-là, on n'est toujours pas sûr du fait qu'il soit vrai parce que il est basé sur un rapport qui aurait été remis au ministre il y a maintenant plusieurs mois, rapport dont il n'a absolument jamais parlé et qui concerne non pas les retraités actuels mais les retraités à venir et, accrochez-vous, à l'horizon 2030. Donc vous voyez, c'est un espèce de flou, de pataquès incompréhensible et indébrouillable, mais sur cette question-là, sur la question des 1200 euros, on a réussi à attraper les macronistes et à leur faire dire au moins des petites choses. C'est pas encore extrêmement clair. Mais sur ce point-là, il y a clairement un loup. C'est flou, il y a un loup. On n'a pas de certitude sur cette histoire des 1200 euros. Et ça, vous pouvez dire merci au travail des Insoumis parce que ce sont les Insoumis qui, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, suite à une émission qui avait eu lieu sur France Inter et dans laquelle l'économiste Michaël Zemmour avait parlé de cette question des 1200 euros, et ben nous, on a décidé en hémicycle de poser la question au ministre. Figurez-vous qu'il nous a jamais répondu à nous. C'est quand même ça qui est pas mal. Il y a des députés qui interrogent le ministre sur une question bien précise. On lui dit, mais monsieur le ministre, quand même, cette histoire de 1200 euros, qu'est-ce que c'est à la fin, qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc. Le gars nous répond pas. Et le lendemain, il va chez Léa Salamé sur France Inter pour donner la réponse à la question qu'on posait. Et je vous l'ai dit, une réponse très approximative. Donc ça, c'était le premier point, les 1200 euros. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé d'obtenir des réponses sur d'autres sujets sans parvenir à en obtenir. Et ça, c'est quelque chose qui, sans doute, n'a pas transpiré dans la sphère médiatique, mais qui est important que vous reteniez. Dans ce débat, les députés, vos représentants, n'ont pas arrêté de questionner les ministres pour avoir des réponses. Et bien sûr, au moins deux sujets, on n'a pas eu de réponse précise. Le premier, c'est la question des carrières longues, c'est-à-dire que il y a, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé à travailler, vous allez devoir cotiser plus longtemps en fonction de certains âges, ce qui n'a pas de sens. Je vous dis en gros, si vous avez commencé à travailler à 16 ou à 18 ans, vous devez cotiser 44 ans. Et si jamais vous avez travaillé à 17 ou à 19, vous devez cotiser 43. C'est pas logique qu'on doive cotiser plus à 16 qu'à 17 et plus à 18 qu'à 19. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas logique. On devrait avoir tous la même durée de cotisation si on prend réellement en charge des carrières longues. Sur ce point-là, pas de réponse non plus. Le deuxième sujet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est cette question de l'article 7. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le projet de loi qui nous était proposé, il est coupé en deux morceaux. Il y a un morceau qui est la partie recette, article 1 à 6, et il y a un deuxième morceau qui est la partie dépenses, article 7 à 20, et l'article 7 est celui qui contient le passage de la retraite de 62 à 64 ans. Et du coup, il y a eu une forme de débat qui a eu lieu dans la sphère médiatique notamment sur essayer d'arriver à l'article 7. C'est-à-dire dans le débat, comme le débat était en temps contraint, en réalité, on n'avait que 15 jours pour examiner le texte, à partir du moment où on passait plus de temps sur la partie qui précédait, on n'avait pas la possibilité d'arriver à cet article 7. Et donc, il y a eu un débat dans la sphère médiatique pour dire qu'il faudrait que, notamment, la NUPES retire ses amendements pour pouvoir arriver à cet article 7 et pour qu'il puisse y avoir un débat sur cet article 7. Alors, c'est de ça dont je veux vous parler, parce que comme ça a un peu fait parler, je vais vous expliquer pourquoi les insoumis ont adopté une stratégie qui consistait non pas à accélérer le débat et à arriver à l'endroit où voulaient aller les macronistes, mais à parler de tout ce qu'il y avait avant, parce que c'était ce qu'il y avait avant dont ils ne voulaient absolument pas parler, et vous allez facilement comprendre pourquoi. D'abord, il faut que je vous explique d'où c'est venu cette histoire d'article 7. En fait, c'est venu des macronistes eux-mêmes. C'est les macronistes qui, à un moment donné, la semaine où on étudiait le texte en commission, ils ont commencé à dire « Bon, allez, ça commence à bien faire, les insoumis, vous arrêtez pas de nous parler d'autres manières de financer la retraite. Nous, ça nous intéresse pas, ce qu'on veut faire, c'est repousser la retraite. » Donc, ils ont commencé à faire ça. Le Rassemblement National, qui avait fait à peu près aucun amendement sur la réforme des retraites et qui commençait peut-être à s'ennuyer en commission de jamais parler parce qu'ils n'avaient pas bossé, ils ont commencé à dire la même chose que les macronistes. À partir du moment où les macronistes et le Rassemblement National ont commencé à dire ça, boum, c'est parti dans la sphère médiatique. Et après, la sphère médiatique y allait tout son poids en disant « il faut absolument aller à l'article 7, l'article 7 ». C'est le cœur de la réforme, blablabla, blabla, vous avez entendu peut-être cette musique-là. La réalité, c'est que on a parlé sans arrêt de tous les points de la réforme des retraites à peu près tous les articles, parce que on a parlé de la pénibilité qui était dans la fin du texte, je crois que c'est article 9, la pénibilité. On a parlé évidemment du report de l'âge légal, c'est donc ce fameux article 7. On a parlé des 1200 euros, si mes souvenirs sont bons, c'est dans l'article 10. Donc bref, on a parlé de la fin du texte en étant concentré dans la première partie du texte. Mais parce que c'est normal, quand vous débattez d'un texte, vous débattez du texte dans son ensemble et vous n'êtes pas forcément attaché à l'article très exactement où est censé avoir lieu le débat. Alors la raison pour laquelle les insoumis ont été sur une position qui était de ne pas aller tout de suite à cet article 7, c'est que juste avant, il y a donc la partie recette. Et la partie recette, ça nous intéressait vachement, figurez-vous. Parce que dans la partie qui était juste après l'article 2, eh bien, il y avait justement toutes nos propositions pour éviter d'avoir à faire une réforme des retraites. La réforme des retraites qu'ils veulent faire, ils disent qu'ils veulent la faire pour économiser 12 milliards d'euros. Et nous, notre logique, notre idée, c'était de dire, bah attendez, si vous voulez 12 milliards d'euros, nous, on va vous les trouver. On va vous les trouver en allant ponctionner sur les super profits, on va vous les trouver en allant ponctionner sur les dividendes, on va vous les trouver en mettant à contribution les revenus du capital au même niveau que sont mis à contribution ceux du travail. Bref, si vous voulez 12 milliards d'euros, nous, vous inquiétez pas, on a largement de quoi les trouver. Et je dois dire que dans l'examen du texte à l'Assemblée nationale, il s'est passé un truc assez intéressant, parce que c'est aussi dans cette partie-là de l'examen du texte qu'on a commencé à parler du nombre d'actions que possédaient les macronistes, d'actions du CAC 40, hein, j'entends, c'est-à-dire de gros dividendes qui leur sont versés par ces sociétés du CAC 40. Et on a eu un moment de tension assez forte sur ce sujet-là, parce qu'on leur disait, mais écoutez, au bout d'un moment, on commence à se demander si vous défendez les intérêts du peuple français ou si vous défendez votre portefeuille d'actions, quoi. Et sur ce sujet-là, clairement, ils n'avaient pas envie de parler. Ben, vous le comprenez assez facilement. On était en train de leur dire que leur réforme des retraites servait à rien, et on était en train de leur dire qu'en plus, ils étaient en train de défendre leurs propres intérêts plutôt que de défendre les intérêts du peuple. Donc vous imaginez que les macronistes restaient longtemps sur cette partie-là du texte, ils n'avaient pas du tout, du tout, du tout envie. Alors par contre, ce que vous avez peut-être vu, c'est que pour ce qui concerne nos collègues de la NUPES, du PS, des Verts et du PCF, ils ont retiré leurs amendements précisément pour accélérer l'examen du texte et arriver à l'article 7. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça. Bah c'est une bonne question. Personnellement, je me le demande encore. Mais ils sont entrés dans cette idée que ça serait intéressant d'aller à l'article 7 et que donc à cet endroit-là du texte, on pourrait avoir le débat très important sur le report de l'âge légal. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis, c'était une mauvaise idée. Pas seulement pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'était très intéressant d'être sur la partie qui précédait, mais c'est pas tout. Parce que il faut bien voir ce que ça aurait donné si jamais on était arrivé au vote de cet article 7 et qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale. Cet article 7, donc, il contient la mesure centrale du pouvoir macroniste. Imaginez si jamais on était arrivé à l'article 7 et que les macronistes et les républicains votaient cet article 7. On aurait eu droit à des articles du genre « L'Assemblée nationale a adopté le report de l'âge légal à 64 ans » ou « L'Assemblée nationale adopte la mesure phare de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron » ou « L'Assemblée nationale fait passer la retraite à 64 ans ». Bref, vous auriez eu des articles qui, d'une certaine manière, donne une victoire à Emmanuel Macron sur le report de l'âge légal. Et c'est précisément la raison pour laquelle Emmanuel Macron voulait qu'on arrive à l'examen de cet article 7. Parce que lui veut donner une légitimité parlementaire à son texte qui n'a aucune légitimité démocratique. Il faut bien voir le moment politique dans lequel on est. Il y a un homme seul, Emmanuel Macron, qui décide de faire passer la retraite à 64 ans, alors que le peuple français tout entier est opposé à ce report de l'âge légal. Si vous regardez les sondages, on est à 70% de gens qui sont contre cette réforme des retraites, et ça monte même à 90% chez les actifs, c'est-à-dire 9 personnes sur 10 qui sont en âge de travailler, sont contre cette réforme des retraites. Il y a des manifestations massives et des grèves massives qui ont eu lieu sur plusieurs jours, donc il y a une forme de légitimité populaire dans l'opposition à cette réforme des retraites. Mais Macron, c'est quoi sa légitimité pour faire la réforme des retraites? Ok, il a été élu il y a moins d'un an, et dans son programme, il y avait le passage à la retraite à 65 ans. Mais lui-même, quand il a été élu, il a dit au deuxième tour qu'il savait très bien que c'était pas sur son programme, mais qu'en gros c'était une majorité d'opposition à Marine Le Pen. Donc lui-même, il sait qu'il n'a pas une légitimité totale à faire cette réforme des retraites. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut un truc qui sorte de l'Assemblée nationale et qui dise bon bah l'Assemblée nationale a adopté une réforme des retraites, youpla boum, c'est bon, c'est validé, il y a une légitimité parlementaire à cette réforme des retraites. Voilà quel était son objectif. Et précisément la raison pour laquelle les macronistes voulaient à l'article 7, c'était qu'ils se disaient, bah, ça oppose une légitimité parlementaire à la légitimité populaire et l'action de rue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est évident qu'il ne fallait pas donner ce point-là à Emmanuel Macron. Alors quel était l'argument de celles et ceux qui nous disent, bah, il faut aller à l'article 7? Ils disaient, si jamais, dans le pire des cas, c'est adopté, ce n'est pas l'ensemble de la loi qui est adoptée, donc c'est pas grave, il n'y a pas de légitimité pour la loi. Moi j'ai un avis contraire et je pense que, je vous l'ai dit, ils auraient fait des articles sur le thème, l'Assemblée nationale a adopté cet âge de départ en retraite. Mais il y avait aussi des gens qui se disaient, qui voulaient faire un pari en fait. Le pari était de se dire, bon bah sur un malentendu, si jamais on arrive à être assez nombreux dans l'Assemblée nationale et que les autres sont pas là, et ben potentiellement, alors on peut battre l'article 7 maintenant, et puis c'est réglé, problème réglé, Macron retire sa réforme des retraites. Déjà, c'est mal connaître Macron, parce que Macron ne retirera pas sa réforme des retraites sur la base de « il s'est fait battre à l'Assemblée nationale », vu que il s'est fait battre sur l'article 2 et qu'il remet au Sénat. Donc on a la démonstration que Emmanuel Macron, quand il y a un vote de l'Assemblée nationale sur un article et que l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec Macron, Macron remet le texte tel quel. Il va au Sénat et boum, il remet le texte pareil. Donc ça n'est pas vrai que si on l'avait battu à l'Assemblée nationale, il retirait son texte et puis c'est bon, c'est réglé, etc. Ça n'est pas vrai, c'est une vue de l'esprit de penser comme ça. Et je vous dirai quel est le moyen pour qu'il retire effectivement son texte à la fin. Donc premier point, ça n'est pas vrai. Deuxième point, ça se basait sur l'idée que chez les Républicains, ça tangue et qu'à l'intérieur des Républicains, il y en aurait 25 qui potentiellement ne voteraient pas la réforme de la retraite. Mais ça, c'est pareil, c'est une vue de l'esprit. Déjà, il faut voir d'où ça vient. C'est-à-dire, c'est des informations qui sont mises en circulation par le monde médiatique et des informations qui sont mises en circulation précisément pour mettre le bazar plutôt dans nos rangs à nous en se disant « Ah bah justement, il y a peut-être une chance qu'on batte la réforme des retraites à l'Assemblée » que dans les rangs des autres. C'est pour chez nous, c'est pour mettre le bazar chez nous, c'est une évidence. Donc, si on réfléchit suivant cette logique-là, il faut regarder un peu quels sont les rapports de force à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a gagné des votes? Oui, on en a gagné un. Lequel? L'article 2. Pourquoi? Parce que les Républicains ont voté, dans l'ensemble, tous, ils ont voté contre cet article 2. Ils étaient avec nous pour voter contre cet article 2. Donc quand les Républicains votent contre un texte, là, ok, d'accord, ça ne passe pas. Mais à partir du moment où il y a une division chez les Républicains, eh bien, c'est l'inverse. Si vous regardez bien, c'est les Républicains avec les Macronistes, ils arrivent à faire une majorité. Et pourquoi ça n'aurait pas réussi cette histoire? Eh bien, parce qu'il y avait un deal entre les Républicains et les Macronistes. Ce deal, il a été révélé au dernier moment, à 21h30, à l'Assemblée nationale, reprise de la dernière séance du vendredi, 21h30, il nous reste 2h30 de débat, et là, coup de théâtre, enfin, je dis ça avec ironie, parce que c'était pas vraiment un coup de théâtre, mais coup de théâtre, du SOPT dit que il accepte un amendement des Républicains, enfin, ils ont repris un amendement des Républicains sur les carrières longues, et donc, du SOPT a été applaudi, debout, par la quasi-intégralité des Républicains. Il n'y en a eu qu'un seul, enfin que quelques-uns qui ne sont pas levés pour applaudir, c'était ceux autour d'Aurélien Pradier. Donc, c'était la démonstration même qu'ils avaient dealé depuis le début et que là, ils révélaient une forme d'accord et que donc, si jamais on était effectivement arrivé à l'article 7, ils auraient réussi à obtenir une majorité pour faire passer cet article-là. Et que donc, ils auraient réussi à avoir la légitimité parlementaire qu'ils voulaient pour cette histoire de 64 ans et que nous ne voulions pas donner à ce texte sur la retraite à 64 ans. Donc, c'est bien la raison pour laquelle, y compris vu qu'on a eu cette dernière séance à 21h30 dans laquelle on a vu se révéler cet accord, c'est la raison pour laquelle la stratégie des Insoumis, au final, était la bonne. Non, il ne fallait pas aller à cet article 7. Non, il ne fallait pas donner la légitimité parlementaire à ce texte parce que nous aurions affaibli le mouvement social en faisant cela. Et nous, et c'est là que je veux en venir, nous pensons depuis le début qu'avec les outils de la Ve République, Emmanuel Macron peut de toute façon faire passer le texte qu'il veut. D'accord ? Parce que si même il y avait eu un vote en désaccord avec lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Bah 49-3, voilà. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et nous, on a déposé des motions de censure pour essayer de faire tomber le gouvernement à chaque 49-3. On en a fait 10 des motions de censure sur le sujet. Et d'ailleurs, ceux qui nous font des réflexions sur le thème qu'on n'a pas voté celle du Rassemblement National, et j'en dirai un petit mot aussi, ils n'ont pas regardé ce qu'avait fait le Rassemblement National les fois d'avant, parce que le Rassemblement National n'a pas toujours voté les motions de censure des Insoumis. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que si Emmanuel Macron veut utiliser les outils de la Ve République pour faire passer son texte, il peut. Donc, quel est le seul moyen de faire en sorte qu'on ne passe pas ce texte à l'Assemblée nationale et qu'on ne passe pas du tout ? Eh bien, c'est de se battre dans la rue, dans la grève, et de réussir à faire en sorte qu'Emmanuel Macron retire ce texte de lui-même. Comment obtenir ça ? Par l'action et par l'action de masse. Hein. On ne va pas se payer de mots. Il faut que maintenant, tout le monde descende dans la rue et que tout le monde se mette en grève, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut que le 7 mars, notamment, commence un mouvement de grève, de blocage de l'intégralité du pays. Pourquoi ? Parce que si on arrive à atteindre les intérêts économiques du MEDEF, des grandes entreprises, des patrons du CAC 40, vous allez voir qu'ils vont eux-mêmes sortir leur téléphone, ils vont dire « Écoute Manu, d'habitude t'es fort, t'arrives à nous faire plein de cadeaux et on est content, merci beaucoup, on t'enverra du champagne, t'inquiète, mais maintenant cette réforme des retraites, ça commence à nous coûter un peu cher. Pour tes 12 milliards d'euros d'économie, là, nous on en est déjà à 30 milliards de pertes pour nos entreprises, donc s'il te plaît, arrête cette réforme des retraites. » Voilà ce qui va se passer si jamais on arrive à être très nombreux et très mobilisés dans l'action. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces journées de mobilisation, et en particulier l'importance du 7 mars, mais aussi des jours qui viennent après. Faut pas se mentir, les amis. Si on veut obtenir le retrait de cette réforme des retraites, il faut qu'on l'obtienne en mettant en place ce qu'on appelle un rapport de force. Il faut mettre en place un rapport de force avec le patronat, avec les grands capitalistes, avec les grandes entreprises de ce pays, et il faut les frapper au portefeuille. Voilà. Il faut dire les choses clairement. Le but du jeu, c'est de leur faire perdre de l'argent et qu'au bout d'un moment, ils se disent « Bon, bah là, ça commence à coûter trop cher, donc on arrête avec cette réforme des retraites. » Vous inquiétez pas, hein. Ils ne passent leur temps à l'Assemblée nationale, les macronistes, que à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Pas plus tard que l'hiver dernier, ils leur ont fait 8 milliards de cadeaux fiscaux en faisant passer ça par 49.3. Donc, leur but dans la vie, c'est de faire des cadeaux aux entreprises. Si ça commence à coûter des sous aux entreprises, et particulièrement grandes entreprises, mais vous inquiétez pas qu'ils vont revenir et reculer sur cette réforme des retraites. Voilà ce que je voulais vous dire et la raison pour laquelle je voulais vous appeler à vous mobiliser sur cette journée du 7 mars. Parce que ne vous dites pas que l'Assemblée nationale va régler le problème. Les outils qui sont à disposition des députés sont des outils qui sont assez puissants, mais qui sont impuissants dans la mesure où ils ne permettent pas de mettre en minorité le groupe du président de la République. Sur la motion de censure, par exemple, il faut 289 voix. Il ne faut pas juste la moitié de ceux qui sont là. Il faut 289 voix. Donc, pour les avoir, il faut les Insoumis, l'ensemble de la NUPES, il faut le Rassemblement National, l'UIOT et les Républicains. Il faut tout ça pour pouvoir qu'une motion de censure soit votée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous n'avons pas voté la motion de censure du Rassemblement National, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Les gars, ils se pointent en hémicycle un jour sur deux, ils déposent quasiment aucun amendement, ils font absolument rien sur la réforme des retraites, et au dernier moment, ils se pointent, ils font une motion de censure dont ils savent pertinemment qu'elle n'a aucune chance de passer, dont ils savent pertinemment que c'est juste un outil communicationnel qui va faire le Rassemblement National dépose une motion de censure, et derrière, ça n'a absolument aucun effet, et ça ne permet pas de faire tomber le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas mis en place un rapport de force sur le sujet. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Ces gens-là, ils n'ont jamais défendu les intérêts du peuple français. Quand on a parlé de la partie recette, Marine Le Pen a pris la parole, vous savez pourquoi ? Pour s'opposer au rétablissement de l'ISF, vous imaginez ? Marine Le Pen, elle prend la parole pour dire que notre amendement, celui qu'on proposait pour rétablir l'ISF à la fois sur la fortune financière et sur la fortune immobilière, ça lui va pas parce que Marine Le Pen ne veut pas qu'on taxe la fortune immobilière. Tu m'étonnes, Alain Château. Donc évidemment. Mais ces gens-là n'ont absolument rien fait pendant le débat de la réforme des retraites. Et à la fin, ils se pointent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le truc le pire possible. Ils disent, ah ben on va faire une motion de censure et voilà, ce sera l'équivalent du vote sur l'article 7. C'est-à-dire que les gars, ils ont pas compris qu'Emmanuel Macron voulait justement une légitimité parlementaire à sa réforme des retraites, et les gars, ils leur offrent une forme de légitimité parlementaire sur un plateau. Ils arrivent, ils disent « Bon, bah si la motion de censure n'est pas votée, ça veut dire que la réforme des retraites, elle passe. » Ils sont débiles ou quoi ? Ils n'ont pas compris ce que c'est qu'un rapport de force ? Ils savent pas. Et ça les intéresse absolument pas. Donc ces gens-là sont des ennemis du mouvement social. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu à chaque fois pour, un, laisser Macron complètement tranquille, et deux, lui donner une clé de sortie, une porte de sortie. C'était, quelqu'un a dit, c'est pas une motion de censure, c'est une motion de clôture. Bah, c'est clair, c'était vraiment la motion de clôture pour essayer de filer des billes à Emmanuel Macron sur ce texte-là. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai ras-le-bol de voir à quel point ces gens sont inutiles pour le mouvement social, inutiles pour la lutte, inutiles pour faire face à Macron, et au dernier moment, se pointent en faisant, allez, vas-y, on est vaguement dans l'opposition, quoi. Donc voilà la raison aussi pour laquelle, et c'est ça que je voulais vous dire, pourquoi nous n'avons pas voté la motion de censure. Parce que pour battre Emmanuel Macron, pour empêcher ce texte de passer, ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de passer par une action de masse dans la rue. Par une action qui fasse que le gouvernement, j'ai pas peur d'utiliser les mots, que le gouvernement commence à pétocher, commence à se dire, oula, ça va commencer à coûter un peu cher à l'économie de notre pays. Commence à se dire que si la France est bloquée, si la France est à l'arrêt, parce que c'est ça l'appel qui est lancé le 7 mars, mettre la France à l'arrêt, eh bien que ça commence à être un petit peu compliqué de faire passer cette réforme des retraites. Franchement, c'est le seul moyen. Si on arrive à faire ça, mais vous inquiétez pas, ils finiront par reculer. Voilà la raison pour laquelle, moi je vous appelle vraiment, mais faites tout ce que vous pouvez, quoi. Enfin, si vous pouvez pas faire grève, essayez de participer sur votre pause de midi à une manif. Si c'est pas possible, le soir, rendez-vous sur un rond-point pour aller soutenir celles et ceux qui auront essayé de bloquer un rond-point. Si vous pouvez pas le mardi, faites des trucs avant, faites des trucs le samedi 4 ou le dimanche 5, ou faites des trucs le week-end d'après, le samedi 11 ou le dimanche 12. Bref, engagez-vous dans l'action, engagez-vous aux côtés de celles et ceux qui luttent, même si vous n'avez pas la possibilité de faire grève, parce qu'il y a toujours des moyens de faire autrement. Vous pouvez, faire des opérations péage gratuits sur les autoroutes, vous allez voir, ça frappe les intérêts du capital, hein. Les autoroutes, c'est vraiment des machines à cash pour les actionnaires, donc allez-y. Vous pouvez bloquer la circulation sur des ronds-points dans des zones commerciales ou faire des opérations escargots sur les autoroutes. Franchement, tous les moyens sont bons. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, sur ces débats à l'Assemblée nationale. Il y a juste un dernier point sur lequel je veux revenir, c'est que vous avez peut-être vu dans le monde médiatique à quel point les Insoumis en général, et Jean-Luc Mélenchon en particulier, s'en sont pris plein la tronche. Alors Jean-Luc, le pauvre, il a eu droit quand même à 4 ou 5 unes sur sa tête, genre Mélenchon est isolé, Mélenchon le problème de la NUPES, les bourgeois mélenchonistes, on a tout eu, le Figaro, le Point Libération, je sais plus quoi encore, il y en avait un dernier, enfin bon bref, toutes les unes de presse, quasi le même jour d'ailleurs, et ça vous montre bien à quel point on a réussi à mettre un gros grain de sable dans la machine bien huilée du système. Parce que là, ils savent plus quoi faire. D'un seul coup, Mélenchon, c'est l'ennemi public numéro un. On dirait qu'il était député à l'Assemblée nationale. On dirait que c'était lui le président du groupe. On dirait qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Qu'en même temps, il est chef de l'intersyndicale. Enfin, Mélenchon, c'est l'homme à abattre pour le pouvoir d'une manière générale. On s'est pris vraiment plein de coups. C'est sans doute en partie dû à la manière dont se sont déroulés les débats à l'Assemblée. Vous avez peut-être vu, il y a eu deux épisodes un peu, on va dire, tendu. Le premier, c'était Thomas Porte, qui est un de nos députés, qui s'est fait virer de l'Assemblée nationale par un vote du bureau de l'Assemblée nationale pendant 15 séances. Et 15 séances, ça ne veut pas dire 15 jours. Ça veut dire que là, il peut revenir à la mi-mars à peu près. Okay ? Pourquoi il a été viré ? Parce qu'il a participé à une action syndicale de syndicalistes de l'inspection du travail, où ils avaient fabriqué des ballons avec la tête d'Olivier Dussopt. C'était collé sur des ballons, quoi. C'était une action syndicale, comme vous faites parfois des chamboule-tout avec la tête des puissants, genre de Macron, d'Elisabeth Borne, de qui vous voulez. Bah eux, ils avaient fait l'inverse, ils avaient mis ça sur le ballon. Et Thomas a posé avec le ballon, et ils l'ont accusé d'avoir lancé un appel au meurtre. Vous imaginez quand même ? C'est ça le niveau de quand on caricature le pouvoir politique maintenant, c'est limite un appel au meurtre. Donc ils ont fait ça, et ils ont fait toute une polémique sur le sujet. Un jour, ils ont quitté l'Assemblée nationale, mais parce qu'ils étaient minoritaires sur un texte, donc c'est pour ça qu'ils ont quitté, ils ont pris un prétexte en gros. Et le lendemain, alors vas-y, ça recommence, non, nous ne pouvons pas siéger dans ces conditions, il faut que Thomas Porte quitte l'Assemblée, etc. Et puis à la fin des fins, ils lui ont mis la même sanction que pour De Fournasse, le raciste. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise sa liberté d'expression pour critiquer un ministre, il a la même peine donnée par l'Assemblée nationale que un gars qui a tenu des propos racistes contre notre député Carlos Martins Bilongo. Donc ça, franchement, bravo les macronistes. J'espère que vous dormez bien la nuit après avoir fait ça, avoir mis sur le même plan un gars qui fait de la caricature et un gars qui est raciste. Bravo, félicitations. Bonjour le barrage au Rassemblement national, vous êtes des grands champions les amis. Excellent. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est Aurélien Saint-Toul. À un moment donné, il prend la parole et il parle des morts au travail. Et il dit que les chiffres du gouvernement sont faux et que le nombre de morts au travail augmente. Et donc, il pointe la responsabilité du ministre du Travail, Olivier Dussopt, et il lui dit, à la fin, il lui dit, vous êtes non seulement un imposteur et un assassin. Et alors là, hurlement dans l'Assemblée nationale, à quoi il a dit assassin, catastrophe, etc. Et ce que disait Aurélien, c'était qu'il était en train de démontrer le fait que le ministère du Travail, et donc le ministre du Travail personnellement, avait une responsabilité politique dans le fait que, oui, s'il y a une augmentation des morts au travail, alors que ce gouvernement a supprimé les CHSCT qui étaient précisément chargés de veiller au fait qu'il y ait moins d'accidents du travail, et ben, s'il y a une augmentation du travail et qu'il y a une mesure qui permettait d'éviter les accidents du travail et que cette mesure a été supprimée par le gouvernement, oui, le gouvernement a sa part de responsabilité dans le fait qu'il y ait une augmentation des morts au travail. Ça va, on a le droit de le dire ça ou c'est interdit ? On a le droit encore d'être un opposant dans ce pays ou c'est interdit ? Donc Aurélien a dit quelque chose qui sur le fond est totalement juste. Ça les a choqués, ok, d'accord, ils aiment pas entendre des mots un peu qui claquent. Mais n'empêche que sur le fond, moi je lui donne raison, parce que au bout d'un moment, il faut qu'ils entendent leur cas de vérité aussi. Et ben pour ces raisons-là, pour ce qu'a dit Aurélien et pour ce qu'a dit Thomas, et ben voilà, les insoumis, c'était les gens infréquentables, on n'a pas le droit, etc. Bilan à la fin, vous savez ce qu'il a fait Olivier Dussopt ? Il est carrément allé jusqu'à dire que dans ce débat, Marine Le Pen avait été plus républicaine que les insoumis. Vous imaginez la déchéance morale et intellectuelle de ces gens qui sont en train de valider le fait que des fascistes puissent gouverner le pays. Ils sont là, ça leur pose pas de problème. Marine Le Pen, elle est mieux que les insoumis. Voilà ce que ces gens disent à la fin. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont bien vu que Le Pen, c'était une opposition en carton. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'ils diraient ça si jamais Le Pen, c'était une opposante ? Non, bien sûr que non. Ils préfèrent choisir Le Pen comme opposante. Ah bah, elle est pratique. Quand t'arrives face à elle au deuxième tour, t'es élu, donc t'es tranquille. C'est facile. Et puis par ailleurs, si jamais d'aventure elle arrive au pouvoir, c'est pas grave, vu qu'elle est contre le rétablissement de l'ISF, par exemple. Hein ? Il n'y a pas trop à se soucier pour les intérêts du capital, si jamais c'est Le Pen, n'est-ce pas ? Donc voilà le bilan qu'on peut tirer, et voilà aussi les raisons pour lesquelles c'est sur les insoumis en particulier qui sont aussi agressifs. Aussi agressifs au niveau du gouvernement, aussi agressifs au niveau de la presse, qui en général reprend texto les arguments du gouvernement et les éléments de langage du gouvernement. Mais ça vous donne la raison pour laquelle ils sont aussi agressifs. Ils ont les pétoches, ils ont les miquettes, parce qu'ils ont peur que le 7 mars, ça soit une date énorme. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que, comment dire, on soit à la hauteur de leurs attentes, pour dire les choses gentiment. Le 7 mars, ça doit être gigantesque. Ça doit être le pays totalement à l'arrêt, et ça doit être un point de départ, c'est pas un point d'arrivée, hein. C'est pas le 7 mars, on bloque le pays, puis après c'est bon, c'est fini. Vous avez peut-être vu que dans plusieurs secteurs, ils appellent à la grève reconductible et générale, en gros. Dans les raffineries, faites le plein. Hein. Faites le plein maintenant, parce que trouver de l'essence dans quelques temps, ça va pas être si facile. D'ailleurs, si vous faites le plein maintenant, ça aide la lutte, parce que ça provoque un effet d'augmentation, disons, des pleins, et donc ça augmente l'effet genre il n'y a plus d'essence. Donc vous inquiétez pas, faites le plein maintenant, vous allez aider la lutte sur les raffineries. Donc les raffineries, le transport maritime, le transport ferroviaire, je sais plus quel autre secteur, l'énergie. Donc là vous avez quatre secteurs où en général quand ça se met en mouvement, le pays il est déjà bien arrêté. Et si vous pouvez aider dans votre secteur à vous, bah allez-y, champ libre, c'est le moment de se faire entendre. Et c'est la dernière chose que je veux vous dire. Il faut mettre en place un état d'esprit qui est celui, on va dire, d'une insurrection citoyenne. Je dis citoyenne parce que je veux dire par là qu'il faut qu'on soit dans le cadre de la loi. Mais il faut qu'on soit dans un état d'esprit insurrectionnel, c'est-à-dire où on refuse l'ordre établi qu'on veut nous imposer. Là, on veut nous imposer une réforme des retraites à 64 ans. Nous ne sommes pas d'accord, donc le peuple doit entrer en état d'insurrection. Mais je dis citoyenne parce que nous avons des moyens légaux pour nous faire entendre. la grève en est un. La grève est un moyen légal de se faire entendre et un moyen fichtrement efficace. Le fait de faire une manifestation, de bloquer la circulation en déposant ça en préfecture, etc., tout ça, c'est des moyens légaux. Et s'ils sont suivis et s'il y a des masses de gens qui participent à ça, eh bien, vous inquiétez pas, ça met en place un rapport de force très fort avec le gouvernement en général et avec Emmanuel Macron en particulier. Donc, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Il faut qu'on soit dans l'état d'esprit où nous refusons cet ordre établi et où nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que ce soit la victoire du peuple contre la victoire d'un gouvernement oligarchique qui n'en a absolument rien à faire des intérêts du peuple et qui d'ailleurs, la plupart du temps, ressemble davantage à un conseil d'administration du CAC 40 qu'à un gouvernement de la sixième puissance économique du monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé, c'était une vidéo un peu longue, mais je pense que c'était important de pouvoir faire un point un peu général sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus puis à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette séquence parce que je suis preneur de vos avis en réalité. Comme on entend plein de choses dans les médias et que quand on croise certaines personnes dans les couloirs, on dirait que les insoumis c'est oh là là, au secours, on va nous manger dans un coin, etc. Je veux bien vos avis sur ce que vous avez pensé de la séquence, ce que vous avez pensé aussi à l'issue de ces explications et voilà, ça me fera très plaisir de lire tout ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Entre les lignes, comme tous les dimanches, sur France Info, avec vous Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on lit entre les lignes d'un grand débat, d'un grand fait d'actualité chaque semaine en votre compagnie. Aujourd'hui, le salon de l'agriculture, puisque ça y est, on est en plein dedans, ça a commencé. Pourquoi est-ce qu'il y a chaque année autant de bruit, Clément Viktorovitch, autour de ce salon de l'agriculture? Ah, Jules, le salon de l'agriculture, un sujet incontournable, hein. Toutes les rédactions y envoient des journalistes, toutes les antennes s'en font le relais. Et pourtant, quand on y réfléchit, il y a chaque année des dizaines de salons qui se déroulent porte de Versailles. Comment expliquer que celui-ci en particulier retienne autant notre attention? Bon, la réponse simple, ce serait de dire, si la presse en parle, c'est parce que les politiques s'y pressent. C'est en partie vrai, mais en partie seulement, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Il reste encore à expliquer pourquoi, parmi tous les salons, c'est celui-ci qui est devenu un rendez-vous politique incontournable. Bon, bah, je vous pose cette question. Pour quelle raison? Bon, pour plusieurs raisons, en réalité. Tout d'abord, la plus évidente, ce salon, pour les politiques, c'est l'opportunité d'émettre de l'image à peu de frais. On les a toutes en tête, ces images, hein. Les hommes politiques et femmes politiques qui ingurgitent à grandes bouchées toutes les spécialités culinaires qui leur sont proposées, qui boivent à grandes gorgées tous les verres qui leur sont tendus. Et ce faisant, ils donnent aux Français l'impression d'avoir rompu le pain avec eux. Or, dans un pays comme le nôtre, où le lien social passe autant par l'art de la table, cela n'a rien d'anecdotique. Et puis bien sûr, il y a les animaux, le défilé des animaux qu'il faut flatter, porter, câliner, les animaux, éternel symbole d'innocence et de pureté. Là encore, ces images fonctionnent, elles rendent sympathiques. Du moins, elles peuvent rendre sympathiques ceux qui arrivent dans les allées du salon à paraître authentiques. Et de ce point de vue, on a tous en tête le contraste entre le président Chirac, qui était dans ce salon comme un poisson dans l'eau, et son successeur, Nicolas Sarkozy, mal à l'aise, tendu, qui avait lâché son fameux « casse-toi pauvre con » au salon de l'agriculture. Dans un cas comme dans l'autre, les images sont restées ancrées dans la mémoire populaire. Pour les politiques, il y a un enjeu de réputation qui est immense. Voilà, on le voit avec Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui paraît très sympathique, quelqu'un qui l'est beaucoup moins avec une invective. C'est juste ça qui se joue au salon de l'agriculture, avoir l'air sympathique aux yeux des Français? Eh bien non, pas seulement. Il y a autre chose, un autre trait que cet événement permet de mettre en avant et qui, lui, est tout à fait spécifique, le lien avec la France rurale. En échangeant avec les agriculteurs et les éleveurs, en montrant qu'ils connaissent le sujet, qu'ils sont capables de poser les bonnes questions, les responsables politiques font démonstration de leur lien avec le monde agricole. Et c'est aussi pour cela qu'il existe une compétition à celui ou celle qui restera le plus longtemps dans les allées du salon, la palme revenant pour l'instant à Emmanuel Macron, avec tout de même 14h30 de déambulation, c'était en 2019. Plus les politiques passent du temps avec les agriculteurs, et plus ils espèrent les convaincre de l'intérêt qu'ils leur portent. 14 heures dans un salon de l'agriculture, on sait que dans les années électorales, quelques semaines avant le scrutin, voilà, c'est un rendez-vous très important dans le calendrier des candidats. Pourtant, on peut se dire que c'est un peu paradoxal. Est-ce que c'est pas un peu fantasmé, ce poids électoral des agriculteurs, vu le nombre d'agriculteurs en France? Ben, c'est vrai, Jules, vous avez raison, hein. Quelques centaines de milliers de personnes tout au plus. Mais on peut apporter une nuance. Les sociologues Bertrand Hervieux et François Purseigle ont calculé que, si on ajoute les familles et les emplois induits par l'industrie agroalimentaire, on arrive à 17% des inscrits. Alors, c'est pas suffisant pour gagner une élection, mais c'est suffisant pour la perdre. Et puis, surtout, à travers le monde agricole, les politiques cherchent en réalité à toucher une sphère beaucoup plus vaste, celle du monde rural. Le monde rural où les habitants sont nombreux en réalité à avoir des agriculteurs dans leur généalogie et où les organisations professionnelles de la paysannerie restent très présentes, très structurantes. Pour les politiques, faire une démonstration de proximité avec les agriculteurs, c'est le meilleur moyen de s'adresser à la France éternelle, la France des champs, des villages et des clochers. À vous entendre, on pourrait tenter de se dire que pour vous, c'est que de la com', le salon de l'agriculture et les politiques? Alors, pour les responsables qui s'y rendent, particulièrement, vous l'avez dit, en période de campagne, oui, c'est beaucoup de communication. Mais ce qui se joue globalement dans ce salon, c'est quand même plus grand que cela. En France, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, 1,5% des personnes en emploi. Il y a 40 ans, c'était 5 fois plus. Et pourtant, les agriculteurs continuent de nourrir une grande part de la population française. Ils ne nous ramènent pas seulement à notre histoire, ils nous rappellent aussi que la satisfaction de nos besoins les plus fondamentaux ne va pas de soi. Que pour manger des pâtes, il faut bien quelqu'un pour faire pousser du blé. Dans notre société de surproduction et de surtransformation, cette évidence a depuis longtemps cessé d'être évidente pour tout le monde. Le salon de l'agriculture a au moins le mérite de nous la rappeler. La mythification, sinon la mystification du salon de l'agriculture. Entre les lignes, avec vous chaque semaine, Clément Viktorovitch sur France Info. que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi. Notre pays entre dans un moment tout à fait exceptionnel de son histoire. En ce moment se déroule un mouvement social qui est d'une ampleur inconnue depuis 30 ans. Par conséquent, aujourd'hui, tout le monde réfléchit, regarde les arguments et prend sa décision personnelle. Pourquoi le sujet, évidemment, le mérite. Il s'agit d'un rejet massif du projet de retraite à 64 ans. Il concerne toutes les professions, toutes les générations, toutes les régions. Par conséquent, tout le monde est concerné. C'est un projet qui n'a pas de légitimité. C'est le fait du prince. 93% des salariés n'en veulent pas. Aucun syndicat de salariés ne l'accepte, il n'accepte d'en discuter. L'Assemblée nationale ne l'a pas adopté en dépit de tous les efforts qui ont été faits pour ça. C'est donc un passage en force, un exercice tellement violent qu'on dirait une sorte de dressage du peuple auquel voudraient se livrer le président Macron et le gouvernement de Madame Borne. Je résume les arguments de ce rejet général. Tout le monde le vit comme 2 ans de vie qui auraient été libérés de la contrainte et de l'usure au travail, après 62 ans, qui seraient volés. Ce n'est pas une petite décision. Pourtant, cette réforme est inutile. Inutile. Il n'y a pas de déficit, il n'y en aura pas si l'on prend quelques mesures d'ajustement, assez marginales d'ailleurs. C'est une réforme qui est injuste, parce qu'elle aggrave la situation des gens qui déjà étaient dans une situation difficile par rapport à cette question de la retraite, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les jeunes. Elle augmente le nombre de ceux qui n'auront jamais la retraite, parce qu'il y a une quantité tout à fait considérable de gens qui meurent avant 64 ans du fait de l'usure au travail ou de l'usure dans le stress psychologique du chômage. Enfin, c'est une mesure qui est cruelle. Oui, cruelle, parce qu'elle augmente la souffrance en général dans la société de ceux qui sont contraints au travail alors qu'ils n'en peuvent plus. Ensuite, parce qu'elle aggrave les maladies et elle aggravera les accidents comme déjà on le constate entre 60 et 62 ans. Alors, face à cela, le 7 mars prochain, aura lieu un événement d'une ampleur sans précédent. Pourquoi sans précédent? Parce que d'abord, tous les syndicats de salariés, tous unis, appellent à la grève générale ce jour-là. Le 7 mars, le pays sera mis à l'arrêt. Grève générale et manifestation dans les rues de tout le pays. Tout sera bloqué. Les métiers de l'énergie, l'électricité, le gaz, la chimie, tous les moyens de transport, les trains dès le 6 mars, les bateaux, les gares, les ports, les aéroports seront bloqués. Le commerce, les raffineries, les écoles, les hôpitaux, les mairies, les administrations de l'État, combien d'autres ? Tout sera bloqué et il faut que tout soit bloqué pour que le message soit bien reçu par celui à qui il est destiné. Certains secteurs de salariés pensent même que Macron ne comprend que les rapports de force durables. C'est pourquoi ils ont appelé à des grèves reconductibles, notamment pour la journée du 8 mars, qui est la journée mondiale de la lutte pour les droits des femmes, puisqu'elles seraient les premières victimes de la retraite à 64 ans. Des fédérations syndicales de branches, d'activités, se sont coalisées pour coordonner des actions tournantes de grèves reconductibles. Nous autres insoumis, nous avons fait le choix de jeter toutes nos forces dans l'action avec les salariés, et ceci depuis des mois. Notre but est que tout le monde étant concerné, tout le monde entre dans l'action. La retraite à 64 ans, c'est tout un monde dont nous ne voulons pas. Dans le programme partagé des partis de la NUPES, dans lequel il y a les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes, nous avons prévu le contraire de la décision brutale de Macron. Nous voulons la marche, dans l'autre sens, vers la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Nous avons prouvé que nous savons financer cette réforme. Elle serait utile, elle serait juste, et elle serait bienfaisante pour les personnes comme pour la société, car le temps libéré de la contrainte du travail est du temps que les gens, chaque personne, met au service de tous les autres. Par conséquent, avancer l'âge de la retraite à 60 ans, c'est donner à la société une respiration qui commence d'abord par 830 000 postes de travail que des jeunes pourraient occuper, mais aussi toutes les activités que les jeunes retraités pourraient mettre au service de la société tout entière. Notre but est de convaincre tout le monde de passer à l'action. Non seulement les salariés des entreprises que nous allons aider avec notre caisse de grève, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas salariées, c'est-à-dire les femmes et hommes retraités, étudiants, artisans et paysans, les chômeurs, bref, tout notre peuple. Nous avons organisé plus de 100 réunions publiques d'information depuis janvier. Nos caravanes d'explication tournent en ce moment même dans les quartiers populaires du pays. Nous avons collecté des dizaines de milliers d'euros de caisses de grève pour les remettre aux grévistes sur le terrain. À l'Assemblée nationale, les députés insoumis ont tenu leur tranchée nuit et jour, sans jamais de faiblesse ni arrangement, en dépit de la répression contre certains des nôtres pour un mot, et des manœuvres politiciennes du pouvoir contre les droits des parlementaires, et surtout d'une procédure tellement abusive qu'elle est sans doute largement anticonstitutionnelle, comme on le verra bientôt, sitôt que le Conseil sera sollicité. Cela nous a valu un harcèlement médiatique hostile comme rarement vu. Comprenons-nous bien, la question de l'âge de la retraite concerne toute la société, toute notre façon de vivre, les priorités de notre existence, mais aussi notre rapport à la nature. Oui, notre rapport à la nature. Produire plus, pourquoi faire ? Nous pensons, nous, au contraire, qu'il faut produire mieux, c'est-à-dire moins de gaspillage. Le gaspillage est partout, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans la production en entreprise, dans le nombre des objets que l'on produit et que l'on jette aussitôt, soit parce qu'ils sont jetables, soit parce que, très vite, ils ne fonctionnent plus. L'abus, le gaspillage, les excès de toutes sortes, ça suffit. Ce dont nous avons besoin, c'est de travailler mieux. Et pour travailler mieux, il faut travailler moins chacun, et donc travailler tous. Voilà notre logique de vie, notre manière de voir les choses. Et oui, nous assumons le fait que c'est une idée révolutionnaire que de vouloir avoir comme mot d'ordre le bonheur et la vie douce. Le 7 mars, on bloque tout. Car tous voient bien que ce qui est vraiment urgent et nécessaire dans la vie est maltraité. À l'hôpital, à l'école, mais aussi partout où le changement climatique a désormais des conséquences irréversibles et désastreuses qu'il faut affronter. Ce ne sera pas sans conséquence que cette immense mobilisation qui se prépare pour la journée du 7 mars, mais dont tout le monde a compris qu'elle aura des rebondissements les jours suivants et qu'elle marquera profondément les esprits. Si bien que des millions de gens réalisent qu'il est temps de changer, comme je viens de le dire, les priorités de la société, mais la manière avec laquelle chacun d'entre nous se comporte et assume son devoir de citoyen. Oui, c'est une question de citoyenneté que d'empêcher cette réforme des retraites de s'appliquer, puisque personne n'en veut. Et que si elle devait être mise en route, ce serait contre la volonté de la majorité du peuple. Or, une société démocratique ne peut pas fonctionner si les décisions qui sont prises dans des conditions de vote chaotiques, contraintes, forcées, brutalisées, comme ça a été le cas devant l'Assemblée nationale, et ensuite contre l'avis de la majorité de la population. La démocratie, c'est en tout. C'est le Parlement, bien sûr, ce sont les élections, évidemment, mais c'est aussi la démocratie sociale, l'implication de chacun d'entre nous dans la vie. Alors les gens, il faut y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est celle où il faut tout changer, en changeant un point qui est décisif dans l'existence de chacun, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut normalement, décemment, estimer qu'il est temps d'arrêter pour passer à autre chose. Je veux à présent parler d'un autre sujet écologique qui devrait mobiliser l'État et tous les moyens dont nous devons disposer. Vous avez vu, vous avez entendu que nous sommes entrés dans une situation très difficile, délicate. Le cycle de l'eau est complètement perturbé dans notre pays, comme d'ailleurs sur tout le continent. Mais moi, j'avais commencé, j'espérais qu'on en parlerait, parce que je considère que c'est un sujet essentiel de la civilisation humaine, que l'accès à l'eau, évidemment, tout le monde le comprend. Et j'avais commencé à en parler dans les élections présidentielles pour que ce soit un enjeu du débat. Ça ne l'a pas été. Et bon, j'ai fait quand même, avec toute l'équipe, beaucoup d'efforts. Je me suis déplacé à différents endroits où il y avait des sécheresses. Bon, pas d'écho. Ensuite, nous avons fait le grand meeting immersif, vous vous en rappelez peut-être, au début de la campagne de 2022, hein, cette fois-ci, à Nantes. Et puis bon, ben, ça n'a pas non plus eu l'impact que j'en attendais. Et j'avais fait plusieurs interviews dans la presse et puis plusieurs présentations dans des conférences ou dans des meetings. Et à la fin, d'ailleurs, de ce petit passage, nous mettrons les liens avec des textes que j'ai écrits sur le sujet pour essayer d'alerter à temps. J'avais dit que nous réapproprier le cycle de l'eau, c'était le défi du siècle. C'est le défi du siècle. Car nous allons aller vers une pénurie générale et aggravée. Alors, ça aurait pu tomber autrement si le climat avait évolué différemment, le changement climatique. Pour l'instant, il va dans cette direction qui est que nous manquons d'eau. Puis ensuite, vous aurez une autre phase dans laquelle il va tomber des trombes d'eau partout, en tout cas à certains endroits, et la dévastation vaudra au moins autant que la sécheresse. Prenez ça très au sérieux. C'est pas juste qu'il manque de l'eau, c'est que tout le cycle de l'eau étant perturbé, tout ce qui touche ou qui va avoir un rapport avec l'eau est impliqué par la nouvelle situation. Je vous rappelle qu'en 2021, nous avions fait, c'était Mathilde Panot, la présidente de notre groupe parlementaire aujourd'hui, qui avait mené une opération de votation citoyenne pour mettre le droit à l'eau en 2021 dans la Constitution. Et depuis, on est revenu à la charge à plusieurs reprises. Parce que depuis 20 ans, l'un des nôtres, Gabriel Amarc, un député insoumis du Rhône aujourd'hui, a lancé l'alerte et commencé à mettre en route des campagnes de sensibilisation, d'action, d'intervention, et continue aujourd'hui, par exemple, à entrer sous l'angle de la défense de l'accès à l'eau, pour mener certaines grandes batailles, comme par exemple la bataille contre le train Lyon-Turin et le tunnel, parce qu'il a montré comment ce percement mettait en cause des réserves d'eau tout le long de la route qui y conduit, et puis sur le site lui-même, l'eau qui est contenue dans la montagne, qui part dans le vide. Alors jusqu'à présent, c'était censé être juste un discours des écologistes insoumis, qui s'intéressaient à l'eau, et également les autres écologistes. On allait aussi dans les batailles sur les bassines qui pourrissent l'accès à l'eau. Enfin bref, un engagement a eu lieu. Mais maintenant, enfin, on a un ministre qui reconnaît, il convient. Attention, la parole d'un ministre engage l'État. Donc à partir du moment où il est engagé, vous pourrez commencer à vous organiser pour peut-être sur le plan juridique intervenir. Mais le ministre vient de dire que dans les années à venir, nous aurons 10 à 40% d'eau disponible en moins. Les premiers résultats, vous les avez vus, c'est la situation l'an passé en Gironde, où il y a eu des incendies désastreux qui ont, pour une part, défiguré les lieux, mais surtout atteint assez profondément toute la biosphère de cette zone. La situation désormais est plus grave que l'année dernière, où des gens disaient « c'est historique ». Pourquoi ? Bah parce que les nappes phréatiques, alors les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui est en sous-sol et qui reste sur comme une sorte de lac souterrain ou qui sont de l'eau contenue dans des roches ou des terres souterraines et qui sont, hélas, considérées comme à disposition de qui veut s'en servir, et certains en abusent. notamment les minéraliers, c'est-à-dire ceux qui produisent de l'eau minérale et qui vont pomper, au point que il y a des endroits où on pompe de l'eau pour en faire de l'eau minérale et où les gens n'ont plus d'eau au robinet. C'est la totale garantie d'absurdité de la gestion capitaliste de la réserve eau, comme toujours, où ce qui est premier, c'est la marchandise, et ce qui est second, c'est les êtres humains. Alors, il se trouve que là, on arrive au printemps, c'est aussi la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'à partir du printemps, le pompage naturel s'amplifie. C'est tout simple, les racines prennent plus d'eau parce qu'il y en a besoin de plus, donc il y a moins d'eau qui ruisselle jusque dans les grands fonds où se trouvent les nappes phréatiques. Elles n'ont pas rechargé, et donc elles ne vont pas être en fameux état avant d'attaquer l'été, et donc cet été, on doit s'attendre à une situation particulièrement difficile. Dès lors que vous combinez moins d'eau disponible et moins d'eau de surface, parce qu'elle a disparu, eh ben vous augmentez le risque de feu, le risque de pénurie de toutes sortes, les communes qui n'auront plus d'eau au robinet cet été, mais aussi des communes qui ne sauront comment faire face au risque du feu. Alors, dans cette situation, il faut être clair, ce n'est pas la consommation des ménages qui est le problème, parce que ça n'est que 12% de ce qui est consommé. Le plus important, c'est l'agriculture et l'industrie. Par conséquent, si on veut avoir des plans dans la durée, il faut aller à la racine des problèmes, notamment diminuer la consommation d'eau dans l'activité économique en général, l'activité agricole comprise. Et le dire, ce n'est pas punir ou montrer du doigt les paysans, qui sont 400 000 dans notre pays, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous devons tous faire face à cette crise. Peu importe quel est son métier et quelle est la place qu'on occupe dans la production. Alors on pourrait prendre des décisions. Par exemple, nous pourrions refuser d'exporter l'eau. Ah, monsieur Mélenchon, on exporte de l'eau, où ça, quand? Bah, chaque fois que vous faites une culture qui est destinée à l'exportation, vous exportez de l'eau, puisque cette culture n'est possible que grâce à de l'eau qui est prélevée ici et qui n'est pas renouvelée. La deuxième chose la plus importante, c'est évidemment d'arrêter de perdre et de gaspiller. Dans les communes de moins de 3500 habitants, c'est jusqu'à 50% de l'eau qui est perdue parce que les canalisations sont en ruine, parce que souvent, les communes n'ont pas les moyens de les changer. Et quand c'est une société privée, elle ne fait pas toujours ce qui est nécessaire, et à vrai dire, ce n'est même pas souvent qu'elles le font. Il est clair que si on doit remplacer les canalisations de notre pays au rythme auquel on le fait aujourd'hui, il y en a pour 300 ans. Donc il est peut-être temps de changer de braquet. Hein, on peut peut-être faire autrement, on peut peut-être faire mieux, surtout qu'on a en France les usines qui produisent les canalisations dont on a besoin. Il faut donc cesser de perdre l'eau de partout. Et puis, il faut les mesures anti-feu. Il faut s'y prendre maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu pour se préoccuper de la question. Donc, prépositionner des réserves d'eau. Donc, s'assurer qu'on a le nombre d'avions dont on a besoin. Et si on ne l'a pas, alors il faut les acheter. Et les acheter maintenant, pour les avoir cet été. Pas attendre qu'il y ait le feu pour commencer à discuter de savoir si on va en acheter ou pas. Voilà pourquoi l'eau doit être maintenant entré dans les priorités politiques. Vous savez, j'avais même proposé qu'on change la carte de France des régions, que vous connaissez aujourd'hui, qui est une carte aberrante qui n'a pas de sens, et que tout le monde veut réformer. Mais une des réformes, une des bases sur lesquelles on pourrait changer l'organisation des régions, c'est de les faire correspondre à des bassins versants de l'eau, ou des circuits, on va dire, globalement de l'eau, parce qu'il y a au moins deux régions où le régime de l'eau n'est pas organisé autour de grands fleuves, mais autour de toute une myriade de rivières et de rues. Alors c'est le cas dans le sud-ouest du pays, et c'est aussi le cas en Bretagne et dans toute cette zone qui se trouve là-bas, qui est assez richement irriguée, et où on a évidemment le problème de la pureté de l'eau, qui se pose comme partout ailleurs, d'accord, mais là-bas, qui prend des proportions, qui fait que régulièrement, on est confronté à des événements dont on ne sait que faire, parce que, en dépit du fait qu'on dit sur tous les tons qu'il faut arrêter de foutre des pesticides partout et du nitrate, on continue à le faire, et que donc, progressivement, eh ben, vous avez, toutes les rivières de France sont polluées, et tous les individus, vous m'entendez, tous les individus, femmes et hommes, sont eux-mêmes pollués par ces pesticides, puisqu'on en trouve dans les urines de 99% des Français. C'est une grande question. Je reviens bientôt pour vous parler du plan eau des Insoumis, parce qu'on en a discuté ce lundi, pour voir comment on va pouvoir faire avancer cette priorité dans la vision générale qu'est la nôtre. Voilà, j'ai fait le point sur deux sujets. Évidemment, j'aurais pu le faire sur 10. Hein. J'aurais pu vous parler de la guerre, vous parler de... Mais il faut bien qu'on rentre dans un format, si possible, un peu plus réduit que d'habitude. Voilà. À très bientôt, c'est-à-dire à la prochaine fois qu'il y aura besoin. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Les mêmes qui ont tenu le pays debout pendant la crise de Covid-19, 77% des professions de santé, 94% des aides à domicile, 64% des personnels de nettoyage, 67% du corps enseignant, encensés à l'époque par Emmanuel Macron, qui semblait provisoirement retrouver le chemin de la gratitude. Depuis, rien n'a été fait pour améliorer leurs conditions de travail, rien pour augmenter les rémunérations, rien pour prendre en compte la pénibilité de leur métier. Pire encore, la réforme des retraites est une régression sociale sans précédent et les femmes en seront les premières victimes. Car dans chaque angle mort, dans chaque point aveugle de votre réforme, on trouve des femmes. Derrière la fable des 1200 euros pour tous, ces centaines de milliers de femmes qui ne toucheront rien, faute d'être parvenues à une carrière complète au SMIC. Derrière le recul de l'âge de départ, les femmes qui partent déjà plus tard que les hommes à la retraite, à 62 ans et 7 mois en moyenne pour elles, contre 62 ans pour les hommes. 20% des femmes sont obligées d'attendre d'avoir 67 ans pour arrêter de travailler, contre 10% des hommes. C'est donc à elles que vous demandez encore des efforts. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans votre étude d'impact. Les femmes de la génération 1980 devront travailler 8 mois de plus en moyenne, contre 4 mois pour les hommes. Derrière le recul de l'âge de départ, encore des femmes à qui on annule le bénéfice des trimestres supplémentaires acquis grâce à la maternité. Même les Républicains vous demandent de revoir votre copie. On se souviendra qu'en 2023, Éric Ciotti donnait des leçons de féminisme à la Macronie. Dans la trappe de pauvreté, toujours des femmes. 45% des nouvelles retraitées étaient sans emploi, contre 35% des nouveaux retraités. Combien de femmes seront coincées dans ce sas de précarité avec votre réforme ? Combien d'entre elles seront au chômage ou en invalidité ? peu importe. Pour vous, les économies d'abord, les inégalités après, si on a le temps. Derrière la suppression du critère d'exposition aux agents chimiques, on trouve des coiffeuses qui respirent de l'ammoniac plusieurs heures d'affilée ou ces ouvrières du textile qui manipulent des solvants à longueur de journée. Derrière la non-prise en compte de certains métiers pénibles, ces aides à domicile qui portent leurs patients à bout de bras, ces caissières qui soulèvent jusqu'à 2 tonnes de marchandises par jour, ces infirmières qui ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à celle de la moyenne des femmes et qui, pour 20% d'entre elles, partent à la retraite en incapacité. Toutes celles qui occupent les métiers des services et subissent des cadences de plus en plus fortes, jusqu'à rêver du tic-tic de la caisse automatique la nuit. On leur diagnostique un syndrome du canal carpien, elles finissent opérées du poignet ou des mains, elles souffrent d'hernie, de mal de dos chronique, elles peinent à bouger les épaules. Toutes ces femmes cassées par le boulot et dont les douleurs ne sont jamais reconnues comme des maladies professionnelles. Derrière les accidents du travail, de plus en plus de femmes. Les accidents avec arrêt de travail ont augmenté de 28% pour les femmes en 15 ans, quand elles ont diminué de 28% pour les hommes. Si bien qu'une aide à domicile a plus de risques d'un accident du travail qu'un travailleur du BTP. Voilà comment on passe d'une réforme soi-disant de progrès, de justice sociale, à une réforme profondément sexiste. Au commencement, cet aveu terrible du ministre Riester, la réforme pénalise un peu les femmes, comme si les femmes n'étaient pas déjà pénalisées dans la société du fait d'être des femmes. Pire, comme s'il s'agissait d'une anecdote, d'un inconvénient à la marge, d'un ennui dont on peut s'accommoder. Cette réforme pénalise les femmes, donc la majorité de la population. Et alors ? Que dites-vous si ce n'est, après tout, ce ne sont que des femmes ? Ce n'est pas grave si les femmes subissent des temps partiels, sont victimes de discrimination à l'embauche, ont des salaires 22% inférieurs à ceux des hommes et des retraites 40% inférieures, ce qu'aucun index n'a d'ailleurs jamais permis de résorber. Après tout, ce ne sont que des femmes. Pas grave non plus si l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé en 15 ans de 9% à 16%. Pas grave si les femmes hétérosexuelles perçoivent en moyenne 32% de moins que leurs conjoints, si bien qu'elles doivent compter sur l'effet de pension de réversion pour vivre à la retraite et choisir ainsi, à l'aube de leur vie, entre le mariage ou la pauvreté. Après tout, ce ne sont que des femmes. Pas si grave de reconduire la division genrée du travail, avec des métiers occupés majoritairement par des femmes, moins valorisés, moins rémunérés malgré leur utilité sociale, au prétexte qu'il serait naturel pour elles de prendre soin des autres. Pas si grave que ces femmes le paient au prix fort au moment de leur retraite. Après tout, ce ne sont que des femmes. Je vous entends déjà me dire, cette réforme ne peut pas résoudre les inégalités qui précèdent la retraite. Comme le disent les sociologues Céline Bessière et Sybille Golac, vous repoussez la ligne d'arrivée en faisant mine d'ignorer que la moitié des coureurs ont des semelles de plomb. Les inégalités que vous ne corrigez pas sont celles que vous perpétuez. Au fond, vous êtes de vrais conservateurs qui ne souhaitent pas que la société change. Et si vous voulez faire travailler les femmes davantage, c'est au mépris du travail qu'elles accomplissent déjà tout au long de leur vie. Celles en couple avec enfants travaillent en moyenne 54 heures par semaine contre 51 heures pour les hommes dans la même situation. Seulement un tiers de ce travail est rémunéré pour les femmes contre 2 tiers pour les hommes. Car la vie de tant de femmes est rythmée par une charge mentale, une interminable liste de tâches pour lesquelles, ne vous en déplaise, elles n'ont aucun goût ni don inné. Pensez au coton-tige, vérifier quel jour la nounou part en vacances, faire le chèque pour le voyage scolaire, se libérer pour la réunion parent-professeur, prendre un congé quand le petit est malade, l'aider dans ses devoirs, changer le billet de train, faire les courses, laver à la main le maillot de foot plein de boue, recoudre les boutons, prendre rendez-vous pour le rappel du vaccin, rendre la BD à la bibliothèque, emmener les petits à la guitare, préparer le goûter, faire à manger, passer l'aspirateur, repasser les affaires du petit, étendre le linge, vider le lave-vaisselle. Car oui, les femmes passent encore aujourd'hui 2 fois plus de temps à faire le ménage et à s'occuper des enfants que les hommes. Vous n'avez aucun égard pour ce travail invisible, gratuit, épuisant. On ne vous entendra jamais vanter la société de l'effort ou la valeur travail à ce sujet, puisque ce travail n'est accompli que par des femmes. Voilà le vrai visage des grands réformateurs qui affichent en vitrine une grande cause du quinquennat, tout en préparant la réforme la plus réactionnaire dans l'arrière-boutique. Ce débat est d'ailleurs l'occasion pour certains de réveiller les pires poncifs antiféministes. Quand le Rassemblement national convoque l'imaginaire nauséabond de la politique nataliste, promeut un discours où les femmes seraient des utérus sur pastes, vous ne mouffetez pas. Ils disent que Le déficit imaginaire des retraites peut être comblé par des grossesses, et il n'y en a pas un chez vous qui lève les yeux au ciel. Faut-il rappeler ici que le modèle de l'extrême droite est celui de la Hongrie ou de la Pologne, où l'avortement est quasi interdit et où on fait écouter le cœur du fœtus aux femmes enceintes lorsqu'elles décident d'avorter? Ni politique nataliste, ni exploitation des femmes. Une bonne réforme des retraites n'est pas celle qui prend les femmes pour des ventres ou pour une variable d'ajustement budgétaire. Vous voulez lutter contre les inégalités, augmenter les salaires, porter le SMIC à 1600 euros net, dégeler le point d'indice des fonctionnaires, revaloriser les métiers du soin et du lien, fonctionnariser les AESH et autres métiers féminisés, sanctionner véritablement les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale professionnelle, financer un plan massif d'éducation à l'égalité de genre, créer un service public de la petite enfance, ouvrir 500 000 places en crèche, surtout, surtout, supprimer la décote et faites la retraite à 60 ans. Car oui, collègues, une réforme juste implique nécessairement de s'attaquer à la longue histoire qui mène des millions de femmes à un sort misérable lors de leur retraite. J'achève en les saluant. Les aides à domicile, aides-soignantes, infirmières, secrétaires, professeurs des écoles, femmes de ménage, coiffeuses, esthéticiennes, gynécologues, serveuses, professionnelles de la justice, agricultrices, assistantes maternelles, vendeuses, toutes ces femmes sans lesquelles notre pays ne tiendrait pas debout. Je les salue et leur dis que le combat n'est jamais vain. Je leur dis rendez-vous le 7 mars pour bloquer votre gouvernement. Nous allons vous faire battre en retraite et ainsi rendre possible l'escapade hors des servitudes millénaires que les femmes méritent. Merci Madame la Présidente. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia. Un coup de sourdine, dessus de combine, et ta vie ton radar. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des filles et forts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, avec à être dans la mafia. Un petit pourriche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as cabaret ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cette commission spéciale s'installe, mais nous ne vous laisserons pas avancer tranquillement. Après 54 jours de grève, vous avez renoncé à convaincre et donc vous avez décidé de vaincre. Alors vous devrez nous écraser, nous aussi, pour atteindre votre objectif. Non seulement parce qu'une majorité de Français rejette votre texte, mais aussi et surtout parce qu'après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots, en racontant des histoires à dormir debout sur la création d'un régime universel ou d'une réforme juste, simple et pour tous, qui ne correspond en rien à la réalité de votre projet de loi, est venu le tour des parlementaires. Oui, c'est à notre tour d'être pris pour des idiots parce que vous nous avez remis 1000 pages d'une étude d'impact faussée, truquée, trafiquée pour rendre votre système par points favorable alors qu'il ne l'est pas. Dans votre projet de loi, à l'article 10, il est clairement indiqué que l'âge d'équilibre, ou âge pivot, appelons-le comme vous voudrez, c'est-à-dire l'âge qu'il faudra atteindre pour avoir une pension complète, se décalera génération après génération. Cela a donc le mérite d'être clair. Votre projet se résume en peu de mots. Faire travailler les gens toujours plus longtemps et toujours davantage au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Mais assumez-le, bon sang. Car dans votre étude d'impact, comme par magie, cette disposition de votre propre projet de loi disparaît. L'âge d'équilibre est, comme c'est formidable, gelé à 65 ans. Résultat, aucun des 28 cas types que vous présentez ne correspond à la réalité que vous préparez. Vous obtenez 21 gagnants sur 28, comme la réforme est formidable, alors que si on applique véritablement les âges d'équilibre envisagés dans votre propre projet, on trouve une écrasante majorité de perdants. Nous avons donc ce soir le sentiment excessivement désagréable d'être, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas mon habitude, pris pour des cons. Et ce sentiment désagréable a envahi la France tout entière depuis quelques semaines. Car sans défendre le statu quo, car les gens partent déjà trop tard et trop pauvres, non, il n'y a pas 42 régimes différents, mais 23 selon le ministère de la Santé, 18 selon le Conseil d'orientation des retraites. Votre prédécesseur a donc dû ajouter autant de régimes qu'il avait oublié de ligne dans sa déclaration à la Haute Autorité de la Transparence. Non, vous ne faites pas un régime universel du tout. Et le Conseil d'État, qui d'ailleurs n'est pas un nid d'insoumis, le confirme, et nous l'affirmons. Vous faites un nombre incalculable de régimes spéciaux, une véritable usine à gaz, autant que de générations. Non, il n'y a pas péril en la demeure s'agissant d'un potentiel déficit que vous avez d'ailleurs vous-même aggravé. 8 à 17 milliards, ce n'est rien, comparativement aux 330 milliards que représentent les retraites, aux 127 milliards de réserves, aux 42 milliards d'encours bancaires d'un régime spécial dont vous ne parlez jamais, des très riches et des retraites chapeau, ou aux 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2019. Non, ce n'est pas parce que l'on vit plus longtemps qu'il faut travailler plus longtemps. D'abord parce que c'est le contraire. C'est notamment parce que l'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps, mais aussi parce que la productivité a augmenté, et oui, et que la richesse produite n'a jamais été aussi mal partagée. Travailler plus longtemps, cela aggrave le chômage. Travailler plus longtemps, c'est la solution de celles et ceux qui, comme vous, refusent l'essentiel. Partager les richesses produites. Non, vous ne sauvez pas le système par répartition. Vous encouragez comme jamais la capitalisation et les assureurs et les banques trépignent d'ailleurs d'impatience de voir votre réforme s'appliquer. Non, les femmes ne sont pas les grandes gagnantes de votre système, c'est même tout le contraire et cela explique d'ailleurs leur mobilisation. Non, la valeur d'acquisition du point n'offre pas la moindre garantie sur le montant des pensions. Non, même provisoirement, vous n'avez pas du tout retiré l'âge pivot qui demeure dans le projet de loi. Non, pour financer notre système de retraite, il n'y a rien d'inéluctable au fait qu'il faille travailler toujours plus longtemps. Non, vous ne respectez pas non plus le programme pour lequel vous avez été élu, car dans le programme du candidat Macron, il était écrit clairement que vous ne toucherez ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions, alors que vous vous apprêtez précisément à faire les deux. Vous vous présentez en progressiste, mais le sens du progrès, à mesure que la productivité a augmenté, ce n'est pas de travailler toujours davantage pour gaver les plus riches. C'est au contraire de se libérer du temps pour toutes les belles choses auxquelles on est en droit d'aspirer après une vie de labeur. Et tout cela, monsieur le ministre, les Français l'ont bien compris. La bataille de l'opinion, je le crois, vous l'avez donc déjà perdue. Et ce projet de loi, directement inspiré des directives de Bruxelles, ne mérite qu'un retour à son expéditeur. Car la France, monsieur le ministre, cette république sociale, n'a pas envie de danser avec vous le black rock'n'roll. Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons creusées comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos finiront par « Je t'aime, vienne, vienne, alors, vienne là. » Jules Fettet a écrit « La réforme des retraites » telle qu'elle nous est présentée est une mauvaise plaisanterie, une fumisterie. Les arguments avancés sont des mensonges. Non, ils ne veulent pas sauver le système de retraite par répartition. Pourquoi, dans ce cas, ont-ils voulu instaurer la retraite par points il y a 2 ans? Leur logique est libérale. Je le dis sans pudeur, pour eux, le travail avant tout, quel qu'il soit. Travailler, travailler, travailler. Nous, à gauche, on se questionne. Quel travail? Pour quoi faire? Les 10 milliards d'euros pour les retraites, on sait où les trouver. Sans peine ni douleur. Les gens, sachez que vos représentants, ici, dans les Vosges, sont de droite. Les gens, sachez que vos représentants, ici, dans les Vosges, sont de droite. Et quoi qu'ils en disent, vote pour les plus riches, à bon entendeur. C'était le 14 janvier 2023. Jules Fettet aussi a dit « Comme le monde me rend mélancolique, je joue du piano. C'est un de mes remèdes. Je n'ai jamais fait ça, mais je partage avec vous 2 petits morceaux de ma composition en toute modestie. J'avais écrit il y a un moment. La musique, même simple, est une résistance à la brutalité qui nous vient d'en haut. Le 18 février 2023, et il est décédé le 28 février 2023. Thank you.

Les gens commencent à avoir des tulipes, je crois, à partir de décembre. Alors, c'est pas du tout la saison de la tulipe, quoi. Donc, tu te dis, moi, je fais les fleurs de saison, donc est-ce que j'arrive avec des tulipes au mois d'avril ? Cette production étrangère, même si elle est disponible tout le temps, a des effets négatifs sur l'environnement. D'abord, car elle consomme de l'énergie. Aux Pays-Bas, il faut par exemple souvent chauffer les serres et les éclairer pour produire des fleurs. Ensuite, cette production pollue, car une fois produite, les fleurs doivent parcourir des centaines de kilomètres avant d'arriver dans nos vases. Et ça, le plus souvent en avion. Résultat, la production et le transport d'une rose, par exemple, représenteraient l'émission d'environ 1 kg de CO2. Ce qui équivaut, en gros, aux 10 km que je viens de parcourir en voiture pour une seule rose. Autre inconvénient des fleurs qu'on importe, elles sont souvent produites avec beaucoup de pesticides pour les faire pousser plus vite et qu'elles tiennent mieux dans le temps. En 2014, Greenpeace a analysé des plantes de jardinerie, de supermarchés et de magasins de bricolage dans 10 pays d'Europe. La quasi-totalité des échantillons analysés présentaient des traces de pesticides et en tout, 76 substances différentes avaient été retrouvées, dont 14% n'étaient pas autorisées en Europe. Et le problème, c'est que ces pesticides sont très persistants dans l'environnement et dangereux pour les abeilles. Il faut revoir la fleur comme un produit de saison. C'est du végétal, c'est du vivant. Il ne faut pas demander à avoir quelque chose qu'on n'a pas chez soi, en gros, à ce moment-là, quoi. Mais les choses commencent à changer. Emmeline de Clercq, elle, s'inspire d'un mouvement qu'on appelle le slow flower chez les anglo-saxons, c'est-à-dire une production à la fois locale et de saison. Et en plus, elle, ici, elle a rajouté le bio. Travailler sans pesticides, c'est pour l'environnement et puis c'est aussi pour ma santé, quoi. Moi, si on me dit, ah bah oui, mais les fleurs bio, je les mange pas, quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est aussi pour le producteur. Il est en contact direct avec les produits et si les produits sont nocifs, peut-être que vous, au final, vous en aurez quelques traces quand même sur vos produits, mais c'est surtout le producteur qui se les prend, quoi. Alors l'avantage de cette production locale, c'est qu'elle permet de soutenir toute une filière, car aujourd'hui le nombre d'horticulteurs ne cesse de diminuer, moins 40% en une dizaine d'années. Et comme le montre ce graphique, les surfaces de production ne cessent de diminuer en France depuis 15 ans. Alors le slow flower que développe Emmeline est encore un mouvement jeune. En France, il tente timidement de se structurer autour de collectifs comme celui de la Fleur Française ou Fleur d'ici. Mais aux États-Unis, il est plus implanté. Alors les chiffres datent un peu, mais entre 2007 et 2012, le nombre de fermes de fleurs locales avait augmenté de 20%. Alors la prochaine fois que vous achetez des fleurs, n'hésitez pas à penser à ce reportage. Pensez bien qu'en général, comme pour les fruits et les légumes, il y a aussi des saisons pour les fleurs. Et si vous voulez acheter local, eh bien en général, il y a un label marqué dessus. Mettre des paillettes sur des fleurs, quoi. Comme si c'était pas déjà assez beau une fleur, faut coller des paillettes dessus. Je vois pas l'intérêt. Moi, je donnais du pain pour les oiseaux. Je ramassais le chien qui buvait au ruisseau. J'étais riche d'amour, beaucoup plus que d'argent. Mais je riais de tout et n'avais pas 20 ans. Si je refusais Dieu qui me refusait tout, c'est sûr qu'entre nous deux, je tenais le bon bout. Lui qui ne donnait rien, mais voulait qu'on le prie. Moi qui donnais l'amour sans rien d'autre en retour. Un matin vint chez moi, beauté vêtue de bleu, celui qui me tendit un papier fabuleux, portant un nom de ville, un nom de régiment, et me donnant le droit de tuer sans châtiment. Pour avoir refusé l'uniforme à mon dos, à 20 ans dépassés, j'ai passé le falot. Des hommes médaillés, du bas ventre au képi, pour ce fait ont jugé que j'avais mal agi. Moi qui rêvais de ciel et de bateau, me voici enfermé au fin fond d'un cachot. Ma cellule est bien triste et n'a pas de hublot, mais au mur un artiste a gravé quelques mots. Je chanterai encore et chanterai toujours, car même si la mort ou le manque d'amour font tomber le malheur ou la terre sur mon dos, J'ai donné tout mon cœur et du pain aux oiseaux. Revue de presse. Prix des carburants, le député Viry veut taxer les super-profits. Moi qui croyais que c'était un député de droite. Ah, par moment, même les gens de droite, ils arrivent à faire des choses de gauche. En 1789, le peuple écrivit des cahiers de doléances au roi pour décrire sa situation. « Sire, nous sommes écrasés par les impôts. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain. Il va bientôt nous manquer. Si vous voyez les pauvres maisons que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touché. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de richesses payent le moins. Nous payons l'impôt et le clergé et la noblesse ne payent rien de tout cela. » Est-ce que chacun ne doit pas payer selon ses responsabilités, ses possibilités. Alors ça s'adresse à, en 1789, à Louis XVI, hein, ne nous trompons pas de siècle, hein. Ah ben oui, c'est bien de Louis XVI qu'il s'agit. Voilà. La semaine des mathématiques proposera une Escape Game Box. Escape Game Box. In Französisch, bitte schön. L'état civil de la semaine de Remiremont, naissance 5, 2, décès 2. Alors les deux décès, ce sont des personnes de Remiremont, et les 5 naissances, eh ben, il n'y en a pas de Remiremont. Voilà, ça veut dire que Remiremont est en train de se dépeupler. Hein? Oui, pourquoi donc? À cause du chômage peut-être? Hein? À cause du chômage, ah bon, ah oui, bon. Nouveau record des saisies de drogue en France. C'est stupéfiant. Une centaine de maternités rayées de la carte. Ah, eh ben oui, ben vous voyez pourquoi la natalité elle baisse. Pourquoi la population française va va baisser. Eh oui, ben oui, on sera un peu, hein, on est peut-être un pays surpeuplé. Eh oui, peut-être qu'il faut agir sur la natalité. Et pour améliorer la vie des vivants, il faut qu'il y ait moins de vivants qui se partagent le gâteau. Ah oui, le gâteau peut être plus gros, eh ben il faut partager autrement, hein. Alors les familles de victimes jugent le pôle Cold Case créé il y a un an. Alors Cold Case, Vassizas. Collision meurtrière entre deux trains en Grèce. La faute à qui? Alors j'ai ajouté au-dessus Poutine ou Xi Jinping. Hein? Qui est responsable? Qui est responsable? L'application TikTok bannit le risque d'espionnage avancé. Le Parlement européen interdit mercredi à ces personnes de disposer de l'application TikTok sur leur smartphone professionnel. En cause des craintes quant au possible espionnage de données sensibles commanditées par le gouvernement chinois. Y a-t-il des moyens semblables Non, il n'y a que TikTok, c'est tout. Eh oui, les prix en hausse. L'inflation dans l'alimentation va se poursuivre jusqu'à cet été. Côté fournisseurs, les PME ont obtenu des hausses de prix de 10% qui s'étaleront sur quelques mois dès avril. Des grandes marques réclament, elles, des hausses de 15 à 17%. Des grandes marques réclament, elles, des hausses de 15 à 17% que refusent les distributeurs dans la dernière ligne droite des négociations commerciales. Voilà. Oh oui, quel beau monde. Qu'est-ce qu'on a bien voté depuis 30, 40, 50 ans? Les Français, ils ont voté de façon fort intelligente. Oh oui, le peuple français, il a guillotiné Louis XVI. Eh oui, alors, bon. Macron a enrichi les riches et ruiné tous les autres. Spidelor, la période d'observation prolongée pour la troisième fois. 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants. Alors, c'était le cas en Allemagne en 1933 et c'est le cas en France en 2023. Alors, moi, je pense que les députés et les sénateurs, pour ne parler que d'eux, eh bien, il faudrait qu'il y ait 10% d'entre eux, parce que 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants, ça fait 10% de la population. Et donc, il faudrait prendre 10% des députés et 10% des sénateurs qui ont le moins agi pour faire reculer le chômage, hein, et les condamner, eux, à les députés à 5 ans et les sénateurs à 7 ans de chômage. Alors, avec les indemnités qui vont avec, hein, évidemment, pas un maintien du salaire actuel. Hein. Ah ben non, il faut qu'eux aussi, ils goûtent un peu à la précarité, qu'ils sachent de quoi il s'agit. Vendredi 24 février, les membres de l'association sortant du nucléaire Moselle et leurs amis ont rendu les fûts de déchets nucléaires à Charles de Gaulle. Enfin, à sa statue, qui figure à la gare de Metz. Des figures, parce que c'est que rendre hommage à celui qui nomma Papon, vous savez, oui, le supporter des nazis, ancien supporter des nazis, préfet de police de Paris, celui qui assassina des opposants politiques via sa police parallèle, le SAC, Service d'Action Civique, ça s'appelait, le SAC, celui qui épousa la France-Afrique et exporta ailleurs les méthodes de torture et d'écrasement d'une population colonisée utilisée en Algérie, celui qui organisa les essais nucléaires de Mururoa, qui ont contaminé et contamina encore tout un territoire et ses habitants, celui qui était à deux doigts d'envoyer des chars en mai 68. Bref, oui, c'est trop long, bof. C'est pourquoi les fûts radioactifs à De Gaulle, parce qu'il est considéré aussi comme celui qui a lancé les grandes manœuvres pour le développement du nucléaire en France, et notamment le nucléaire civil, en imposant aux Françaises et Français, bien sûr, initiant ce qu'on peut appeler la démocrature nucléaire, c'est-à-dire l'imposition d'une énergie dont les conséquences pour quelques décennies de confort feront ressentir sur des milliers de générations à venir. Question aux députés. Quelle est votre position par rapport à la réforme des retraites et le positionnement sur la question de l'indexation des pensions sur les salaires, le droit à une pension décente pour lutter contre la pauvreté des personnes âgées et notamment des femmes, le rattrapage des pertes subies au fil des années, pensions non revalorisées à hauteur de l'évolution des prix des produits de première nécessité, alimentation, énergie, etc. Quelle démarche pour lutter contre les inégalités de santé et favoriser l'accès aux soins de notre département? Quelles actions dans le domaine du handicap des enfants, adultes et retraités? Une demande de mise en place d'une instance de concertation entre les organisations syndicales et les pouvoirs publics. Comment s'inscrit-il dans le domaine du département, du départemental santé-environnement? Il y aura un point concertant de CDCA, l'occasion de rappeler l'impact de la numérisation des services publics sur la population retraitée en zone rurale. Et le chômage, point d'interrogation, que fait le député? Que fait le sénateur? Etc. Parce que ils font partie des principaux responsables, mais ce ne sont pas les seuls, voyons. Hein. Un jour, il faudra payer nombre d'années inactives, nombre d'années au chômage. Vosges Matin, du lundi 22 2023, 36 pages, dont 12 pages de sport, plus tiercé, etc. Hein. Alors, on a aussi en France, on n'a pas que des journaux comme ça, on n'a pas que des radios comme ça, on n'a pas que des télés comme ça. On a aussi, de temps en temps, un prix Nobel de littérature, comme par exemple Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, que pense-t-elle? Que dit-elle? Hein? Eh bien Annie Ernaux, elle dit sur Fabien Roussel, deux points ouvrant les guillemets, « Il est communiste, comme moi je suis religieuse. Oh, » oh, oh, oh. Ah Annie Ernaux, ah oui, eh oui. Cette association se bat contre la centrale d'arrobage. Saint-Étienne, lors de sa dernière assemblée générale, l'association de protection de l'environnement a accueilli un avocat venu tout droit de Paris pour les aider dans leur recours auprès du tribunal administratif contre la centrale d'arrobage de la commune. Voilà, alors il y a tout un article, hein, voilà. Hein. Clément Beaune, VRP du plan Borne en Lorraine. Alors Clément Beaune est passé jeudi par la Lorraine. Eh oui, il est en passant par la Lorraine, comme dit la chanson. Retraité, la CGT veut mettre à genoux l'économie française. Ah, ah, ah. Qui est-ce qui a écrit cet article-là? Francis Brochet. C'est un journaliste méritant, ça. Il faudra qu'il ait une médaille un jour, de l'avancement, une grosse paye. Et la sécurité de l'emploi, bien sûr. Hein? Cheminots, électriciens, raffineurs, plusieurs fédérations de la CGT ont annoncé jeudi leur volonté de changer de braquet contre la réforme des retraites en appelant à la grève reconductible jusqu'au retrait du projet. Oh que c'est méchant. Oh ça c'est bête et méchant. Oh les syndicats. Ouh les syndicats. Ouh aïe aïe aïe les syndicats. Oh là là là là là là là là. Ils font du souci à ceux qui ont de l'argent, les syndicats. Parce qu'à cause des syndicats, ils pourraient avoir moins d'argent, eux, les riches. Et les syndicats, et les syndiqués pourraient être un peu moins pauvres. Réforme des retraites, 2 jours de blocage et de manifestation. Voilà, voilà. Ensuite, réserve en eau, les prochains mois seront cruciaux. Bon. Eh ben, oui. Bon, ben, le gouvernement va faire le nécessaire. On aura de l'eau. Ben, oui. On a bien fait, je ne nomme personne, de voter pour Macron. Contre la pénurie de soignants en France, le gouvernement veut créer une carte de séjour pluriannuelle pour les médecins étrangers, les pharmaciens et les sages-femmes. Les praticiens étrangers jouent déjà un rôle clé dans notre système de santé. Et oui, oui, les médecins étrangers qui représentent 12,8% des praticiens en France pallient les pénuries de bras dans les hôpitaux et fournissent des renforts dans les déserts médicaux. Voilà, voilà. Alors, la France compte de nombreux médecins formés à l'étranger. Une partie d'entre eux viennent de pays pauvres. Une partie d'entre eux viennent de pays pauvres qui sont victimes d'une fuite des cerveaux vers les nations les plus riches. Alors, on peut faire les malins, les Français. Hein, oui. Oh ben, c'est sûrement qu'on a bien voté 2, 3 fois, 4 fois et davantage. Hein. Oh oui, oui, on vote intelligemment, nous autres, les Français. Ben oui, c'est normal, on est un peuple intelligent, donc on vote intelligemment. Hein. Ah ben... 25 417 médecins étrangers sont inscrits à l'ordre des médecins en 2022, sur un total de 197 811 médecins exerçant en France. Voilà, voilà. Il faut tourner l'hôpital à moindre coût, dit l'autre. Hein? La CGT coupe déjà l'électricité. Eh oui. Et c'était Vosges matin du samedi 4 mars. Hein? Infirmiers libéraux lorrains ras-le-bol collectif. Voilà, fracture sociale marquée entre collèges publics et privés. Voilà. Ah, tiens, oui, l'indice de position sociale, IPS, permet de mesurer les inégalités entre les établissements scolaires, désormais rendus publics. Les données sont accessibles pour les collèges de l'Académie de Nancy-Metz. Principale leçon à tirer de ces évaluations, la fracture sociale est nette entre privés et publics. La fracture sociale est nette entre privés et publics. Il y aurait du ménage à faire, là. Oh là là là là. 5 ans après, la lutte continue pour rouvrir le centre médico-psychologique. Et nos élus, ils sont actifs, là. Ah oui. Ouais, depuis 5 ans, ils sont actifs, nos élus. Alors, on votera pour eux, le prochain coup. Eh ben, bien sûr. Maladie, nos enfants peuvent être au chômage. Ils peuvent être au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Eh oui, la paye est pas la même. Hein. Maladie chronique du rein, cette pathologie grave qu'on n'entend pas venir. Alors là, il y aurait des choses à dire encore. Le cinéma engagé, ce sont que des films, mais leur message environnemental est bien réel. Voilà. Ensuite, sauver la planète. 13,7 millions de spectateurs ont vu en France la fable écologique de James Cameron, Avatar, La Voie de l'eau, sortie le 14 décembre 2022. Voilà. Et puis voilà, hein.